Ouais, 5-5. Ici MC Abkaïdman. F7-6, la Turquie. Pour tout petit frère, gros. Combien de nos mères font dans l'âme quand elles apprennent que leur fils a été mis en prison pour une histoire de mauvaise fréquentation? Combien de nos pères travaillent dur pour amener de quoi manger pendant que leurs enfants, eux, vendent du cannabis et fuient la police pour sortir? Je m'appelle MC Alka, je suis ici pour soutenir les rôles, les barreaux, ceux qui ont voulu s'en sortir, mais qui malgré tout ça ont fini à l'ombre. Donc écoute, je chante pour ma génération, maintenant que le monde est devenu cruel, c'est chacun pour sa peau, y'a plus d'amis, et si tu en as, c'est des potes qui eux seront toujours là pour toi. J'aimerais t'en dire que c'était pas moi, mais c'est ça la vie et j'y crois. J'étais inconsciente, mes actes, mes proches ont dû les payer à ma place. En gros, c'est ça l'évolution de la nouvelle génération au quartier. T'apprends à vivre sans pitié et à ne pas être une balance. C'est toujours au fond de la classe que ça se passe, mon frère. T'inquiète, petit, un jour tu quitteras cette galère. Mais pour l'instant, il faut que t'assumes. Et oui, il faut que t'assures. Parce qu'aux yeux des bourges, tu n'es qu'un dealer. Mais dis-leur qu'il n'y a pas que ça pour s'en sortir. En gros, ça me désole de ne pas être un bon exemple pour mon frangin. Préservons la future génération et montrons-leur le bon exemple à suivre. Et non celui de la délinquance produit sous l'influence des personnes qui ne s'en sortent pas. Alors petit, avant de foutre ta vie en l'air, essaye plutôt de t'en sortir de cette galère. Faut que t'assures, mon frère, et tu verras qu'un jour tu seras fier de réussir. Ok gros, Edman, MC Alka en featuring le désespoir pour la jeunesse perdue.